Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Les Retours du passé, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que plus de 70 ans après la fin de la guerre, les derniers témoins commencent à disparaître et que se pose la question de comment garder la mémoire de la Shoah, une mémoire qui parfois remonte par le sol et se refuse à être effacée. Et dans vos oreilles aujourd'hui, un champ piqué de blanc, la terre qui garde tout, le ghetto de Varsovie et le souvenir d'hommes et de femmes assassinés qui ont su qu'il fallait mettre des archives à l'abri pour que rien ne soit oublié. Mais pour commencer, deuxième épisode, on se souvient du film de Claude Lanzmann. Vous avez ce début extraordinaire de Shoah, ce survivant de Chelmno qui s'appelle Simon Srebnik, et tout est détruit. Il est dans une clairière et il n'y a absolument rien. Il est là au milieu, il y a des fondations un peu, mais il n'y a rien. Yeah, that's just a splash. Il dit « Ah oui, oui, c'est là, je reconnais le lieu. » Incroyable. Le lieu malgré tout. Les Retours du passé. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Nous voici devant la porte de la mort. C'est ici que passaient tous les convois vers la rampe. C'est ici que passaient tous les déportés qui entraient dans le camp. J'habite pas très loin d'ici, à 20 km d'Auschwitz. Il m'arrivait souvent de venir ici. Je marchais en essayant de comprendre, de recomposer les morceaux de l'histoire. Les nazis ont eux-mêmes détruit Birkenau. La solution finale s'était tenue sous un secret absolu. Les nazis eux-mêmes n'avaient pas le droit de faire des photos. Et ils voulaient le rendre inimaginable aux autres. Ils ont fait sauter les crématoires, etc. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'une instance qui décide de détruire la mémoire oublie toujours le sol. On détruit les murs, on détruit les plafonds, on détruit les... Voilà, mais on oublie le sol. Ici, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'herbe. Les gens la mangeaient tellement ils avaient faim. Il faut sentir cet endroit. Il faut savoir où on pose les pieds. À gauche, ce sont les baraques en bois. Et on va bientôt arriver à la rampe. C'est celle qui a été construite en dernier. C'est ici que sont arrivés en 1944 les convois de déportés venus de toute l'Europe. C'est ici que se faisait la sélection. Certains convois ne passaient même pas la sélection. Ils partaient directement pour le crématorium. je n'avais aucune idée de l'échelle du lieu, par exemple. L'échelle change tout. C'est immense. Le mirador, la voie qui mène vers le crématoire, les bouleaux, les troncs, l'écorce, évidemment. Cette chose absolument stupéfiante qui est que des fleurs blanches poussaient exactement à l'endroit des fosses qui avaient été ménagées pour brûler les cadavres. Enfin bon, Birkenau, c'est un champ d'archéologie. Donc ça veut dire que ce qui est important, c'est le sol, en effet. Les sols nous parlent. Mémoire des lieux. 7 ans auront suffi pour réduire des milliers d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants à l'état de fumée, pour détruire l'idée même d'humanité. Là où le pire a été commis, le sol n'est pas tout à fait le même. Il crisse encore sous les pieds, laisse encore s'échapper l'énergie noire de l'histoire. Pas faire le détour ou l'économie de ce lieu-là, qui fait de ce trou noir de l'histoire humaine, d'une métonymie, au fond, des massacres nazis. Un barycentre. Ce trou noir est un barycentre parce que c'est du cœur de l'Europe qui est quand même parti au plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Nazywam się Agnieszka Zgieb, urodziłam się we Wrocławiu, Breslau. Je m'appelle Agnieszka Zgieb, je suis née à Wrocław, Breslau, en Pologne. Et on m'a souvent parlé de l'odeur. C'était une odeur permanente de cadavre. Pour moi, la terre de Pologne, c'est une terre douloureuse. On marche sur des cadavres, on marche sur des milliers de cadavres. C'est une terre qui est gorgée de sang. C'est une terre de massacres de masse, de nettoyage ethnique qui ont été ordonnés à la fois par Staline et par Hitler. C'est la terre de déplacement forcé. C'est la terre où on perd nos maisons. Voilà, c'est ça la terre de la Pologne. Je m'appelle Johan Chapoutot, je suis historien. La Pologne est un des centres de gravité de ce que l'historien Timothy Snyder a appelé les terres de sang, Bloodlands. Les plans nazis étaient des plans de colonisation. Colonisation de l'Est de l'Europe, en l'occurrence des frontières orientales de l'Allemagne jusqu'à l'Oural et de la mer Baltique jusqu'à l'Ukraine. Sur un territoire immense. Une partie de la population slave et juive doit disparaître pour que la population germanique puisse s'épanouir. Donc, le fameux espace de vie, le biotope nazi, c'est évidemment un gigantesque espace de mort pour les populations locales. Ça plonge évidemment les populations locales dans la nuit, celle de la famine, celle de la violence, celle de la terreur, celle de l'esclavage. Et ce projet-là, qui est mis en œuvre, à vrai dire, dès 1938, avec l'annexion de l'Autriche, avec ensuite l'annexion des Sudètes, puis ensuite la destruction de ce que les nazis appelaient le reste de la Tchéquie, en mars 1939. Et l'aboutissement de cette démonstration-là, c'est l'annexion de la Pologne en septembre 1939. La Pologne a été le premier lieu frappé par l'agression nazie, par la conquête nazie et par les tentatives de colonisation. et le premier laboratoire de ces opérations-là, qui ensuite ont été étendues au Grand Est de l'Europe après l'invasion de l'URSS le 22 juin 1941 dans le cadre de l'opération Barbarossa. Je m'appelle Christian Ingrao, je suis historien. En 6 semaines, la Pologne tombe. Jusqu'ici, on était dans quelque chose qui était de l'ordre de la promesse un peu abstraite. Et puis, en 6 semaines, le Lebensraum a été conquis, et donc il est temps de pouvoir accomplir la promesse. Ce qui se met en place à ce moment-là est une espèce de maelstrom d'expulsion, de migration forcée, bien entendu du massacre de masse. Quand vous prenez le bilan de la Seconde Guerre mondiale, vous vous apercevez qu'en France, hein, le summum de la barbarie, c'est Roeder-sur-Glane. C'est un village dans lequel vous avez 600 malheureux qui ont été brûlés vifs par une division SS. En Biélorussie, c'est 647 fois Roeder-sur-Glane. C'est Roeder-sur-Glane tous les 2 jours, pendant 4 ans. Quelque chose a basculé. Quelque chose qui était de l'ordre d'une intensité meurtrière extrêmement importante. Nazywam się Darek Gajewski, jestem reżyserem. Urodziłem się w Częstochowie, od 25 lat mieszkam. Je m'appelle Darek Gajewski. Je suis né à Częstochowa et je vis à Varsovie depuis 25 ans. Myślę, że to jest jedno z takich miast, które zostało. Varsovie est sans doute l'une des villes qui a été la plus sévèrement touchée par la guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Zostało całkowicie zburzone przez Niemców i zrabowane. Elle a été complètement détruite et pillée par les Allemands. Oraz jakby tant de gens ont été tués ici que nous marchons constamment sur des eaux. Mam kolegę przedsiębiorcę budowlanego. Często kopie tutaj jakieś fundamenty, robi, stawia domy, duże domy. J'ai un ami entrepreneur qui creuse souvent des fondations pour construire des immeubles et des maisons. Odkrywałem kolejne zwłoki. Et sur chaque chantier, il découvre des cadavres, des débris humains, carabine, des armes. Il devrait normalement signaler ce genre de découvertes pour que le corps puisse être exhumé. Mais il ne le fait pas à chaque fois, sinon les chantiers n'avanceraient jamais. Myślę, że Warszawa jest takim miejscem, w którym to, jakby, które jakby zostało rzeczywiście dotknięte wojną w jakiś taki. Varsovie est vraiment un endroit qui a été meurtri par la guerre d'une façon inimaginable. Ce qui s'est passé en Pologne, c'est terrible. Dans les rues de Varsovie, il y a plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont été exécutés, pendus. C'était une terreur, c'est-à-dire qu'on était dans une espèce d'enfer. Mais je pense qu'on pourrait dire que tout le territoire polonais était comme ça, y compris dans les zones rurales où il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient dénoncés, de gens qui étaient assassinés, des fusillades. Il y avait des cadavres qu'on trouvait ici ou là. Vraiment une sorte d'enfer. Il est certain que la campagne militaire de conquête, d'invasion de la Pologne a été d'une violence inédite et parfaitement revendiquée d'ailleurs. Hitler le disait, cette guerre ne sera pas comme la précédente, ce sera une guerre radicale parce que c'est une guerre biologique de conquête, de colonisation et d'éradication de la Pologne. Alors non pas de la population polonaise, mais de la Pologne en tant que nation. C'est pour ça qu'on va détruire les élites polonaises pour décapiter la Pologne et garder le reste du corps slave à titre d'esclave. Mais la violence militaire est parfaitement revendiquée, parfaitement voulue, parce que on a affaire avec les Polonais, qui sont considérés comme des slaves, d'un point de vue raciologique, à des sous-hommes, littéralement, hein, à des sous-hommes untermenschen, c'est-à-dire des bipèdes à mi-chemin entre l'animalité et l'humanité. Ce sont des populations qui sont considérées sur le long terme de l'histoire allemande comme des populations à coloniser, des populations inférieures qui sont incapables de mettre en culture leur propre territoire, de créer une culture et que l'on peut dès lors éradiquer ou dont on peut réguler la masse la biomasse, selon les besoins de la race des seigneurs, la race dominante. Et les Allemands ayant, et là je parle des Allemands et pas que des nazis, hein, les Allemands ayant ce regard sur l'est de la Pologne comme des terrae nullius, c'est-à-dire des terres qui n'appartiennent à personne. Parce qu'il n'y a pas véritablement d'êtres humains là-bas. Alors moi, je suis née à Varsovie, dans le quartier qui s'appelle Ochota. Je m'appelle Julia Chimiak. Et quand je me promène dans Varsovie, c'est toujours comme si l'histoire me poursuivait. Elle existe toujours dans des endroits que je connais. À côté de ma maison, il y a l'endroit où s'est caché Emmanuel Ringelblum pendant la guerre en 1943. C'est là, c'est sa cachette qui a été découverte une année après, en 1944, en mars. Ils ont été tous, les Juifs et les Polonais, qui cachaient ces Juifs, fusillés probablement dans la ruine du ghetto, là où je travaille. Donc c'est comme si je vivais cette histoire chaque jour. Et justement, même dans mon appartement, l'histoire me poursuit. Parce qu'il est difficile de dire quand j'ai appris toute cette histoire, quand j'ai appris qu'il y avait des Juifs à Varsovie. C'est difficile de le dire. Je pense que je le savais déjà en étant à l'école. Mais il y a 4 ou 5 ans, il y a une femme qui est venue me voir dans mon appartement, qui a sonné à ma porte. Et il s'est avéré que c'était une femme, une juive, qui a vécu dans cet appartement. Donc je lui ai montré cet appartement, c'était vraiment quelque chose de très, très touchant, très émouvant, tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Jean-Yves Potel, je suis né en février 1948. Je suis historien, écrivain, essayiste, spécialiste de l'Europe centrale. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans ce pays, c'est que ce condensé de l'histoire de l'Europe, du monde, est en fait incarné par des gens. Et par des gens qui sont vivants ou par des gens qui sont morts. Je pense bien sûr aux Juifs. Les Juifs polonais ont eu un sort qui incarne à lui tout seul la Shoah. On oublie toujours, mais la Shoah a eu lieu sur le territoire polonais, qui était occupé par les Allemands. Et sur ce territoire, il y avait 3 millions de Juifs. Sur ces 3 millions de Juifs, la grande majorité a été tuée. 90%, 92%, les statistiques sont toujours un peu approximatives, ont été tués là. Et c'est aussi là qu'on a fait venir les Juifs européens. Et ce qui a fait de ce lieu à la fois un grand cimetière des Juifs et un lieu où d'où ont disparu les Juifs. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus, ils ne sont plus là. Ils n'existent plus que comme une branche très forte d'une nation qui a disparu. C'est un peu comme quelqu'un qui a perdu un membre, un bras, et qui continue après à sentir ce bras, qui est toujours là, qui est un manque. Donc ce qui s'est passé avec la disparition des Juifs, c'est non seulement une disparition physique, une destruction des bâtiments, des quartiers, etc., mais c'est aussi la permanence d'une absence qui reste dans l'imaginaire, dans le temps, dans l'espace de cette région. Et elle est là, la déchirure. Nous vivons, alors nous beaucoup moins en France, mais quand on est à Cracovie, quand on est à Lublin, etc., nous vivons avec cette espèce d'éléphant dans le corridor qui est l'absence des Juifs. C'est ça que nous avons perdu. Je m'appelle Roman Gancarczyk. Krakowie. Je suis né à Myślenice. Je vis à Cracovie. Coś takiego jest, nie? Znaczy jest tam jakiś rodzaj takiego tchnienia, czy nie wiem jak to nazwać. Il y a vraiment quelque chose de vraiment très particulier dans le quartier où je vis. Je ne sais pas. On pourrait appeler cela un spiritus movens, une sorte de souffle qui est là tout simplement. Są tam synagogi, nie? Znaczy ja jakby nie chodzę do niej. Les synagogues sont toujours là. Je ne fréquente pas. To tchnienie, które tam mais on sent comme une émanation. Kiedyś tam przecież une âme. Mieszkali Żydzi sami. Sam nie jestem pochodzenia żydowskiego, ale. C'était un quartier juif avant la guerre, après tout. Jestem żydofilem, nie? To znaczy. Il n'y avait que des juifs qui vivaient ici. Znaczy, żeby nie przesadzać, ale. Moi-même, je ne suis pas d'origine juive. W sposób. Z pewnych powodów zresztą. Mais je suis ce que l'on pourrait appeler un philosémite. Ta nacja, że tak powiem, jest mi bliska. Pour une raison que j'ignore, je me sens proche de cette communauté. No tutaj w Krakowie na Kazimierzu się to codziennie czuję. Et ici à Cracovie, dans ce quartier juif de Casimir, je le sens tous les jours. To tchnienie jest. Je sens, disons, ce souffle. Cette âme, elle est là. Ja to czuję. Je la sens. Et c'est vrai que la Pologne, c'est le lieu de la disparition du plus important Yiddishland européen. 3 millions de Polonais juifs ont disparu. Ce qui a disparu avec les juifs polonais, c'est une culture, c'est une langue, c'est une société. Le Yiddish a quasiment disparu après cette éradication, parce que c'est ça un génocide aussi. Hein. C'est la disparition physique de personnes, mais c'est également la disparition de souvenirs, de cultures, de savoir-faire et d'une langue. J'habite à Varsovie toute ma vie et je suis guide au musée Pauline depuis 2014. La première fois que je suis entrée dans cette rue, ça m'a fait une grande impression à moi aussi parce que ça m'a fait l'impression comme si je marchais dans les rues de cette ville d'avant la guerre. Et quand je montre cette exposition, cette rue aux visiteurs, je vois que ça leur fait une grande impression. Parce que c'est en fait le seul endroit où ils peuvent voir ce quartier qui existait ici, un quartier du Nord, un quartier appelé parfois juif, qui existait entre les deux guerres, ici à Varsovie. Ils peuvent voir des enseignes en polonais, en yiddish, vous pouvez entendre des sons, écouter des chanteurs, des cantors dont la voix on pouvait entendre dans ce quartier. Et ici à l'intérieur, vous pouvez voir à nouveau recréer pour que vous puissiez imaginer, sentir un peu l'atmosphère, le club de journalistes et écrivains juifs. C'était le club qui se trouvait à côté de la plus grande synagogue de Varsovie. Le club où se rencontraient des journalistes et écrivains qui écrivaient dans la langue yiddish. Vous pouvez voir leurs portraits, leurs photographies, donc les rencontrer en quelque sorte, parce qu'ils existent maintenant dans leurs livres qui parfois n'étaient pas traduits. Donc, vous pouvez écouter de la musique qu'ils écoutaient aussi, parce qu'à l'intérieur de ce club, il y avait des artistes, des violinistes, des pianistes qui venaient, tels que Bronisław Huberman, que vous pouvez entendre ici, ou Arthur Rubinstein qui donnait des concerts. Donc c'est vraiment l'endroit où on peut sentir cette atmosphère. C'était le lieu de la culture laïque, à côté de la grande synagogue qui était par contre l'endroit... le centre, le grand centre spirituel de la vie juive d'avant la guerre. Mal. biały, biały domek, me pamięci twi. Mały, biały domek, ciągle mi się śni. Okna tego domku cudnie w słońcu lśnią. Jakbyś się oczy przechodzili łzą. Nous sommes en Varsovie, dans la rue Grzybowska, la rue qui se trouvait pendant la guerre dans le ghetto. Le ghetto, c'était un espace très grand, un espace de 307 hectares. Et tout a été détruit et il n'y a presque rien. Miejsca w Pogetcie nie można postrzegać w kategoriach modelu pompejańskiego. L'endroit où se trouvait le ghetto, ce n'est pas Pompéi. Miasta zgładzonego i przysypanego popiołem. Ce n'est pas une cité engloutie, ensevelie sous les cendres. Miejsce w Pogetcie zaś to właśnie l'endroit où se trouvait le ghetto, c'est la non-existence. To doświadczenie realnego braku, l'absence réelle et la fausse présence. Destrukcja la destruction du ghetto, ce n'est pas la destruction d'un lieu. Ono pozostaje, ale jest puste. Le lieu est toujours là, mais il est vide. Chociaż zabudowane. Malgré les maisons posées dessus. Cette phrase nous vient de Jacek Leociak, qui est un chercheur, auteur, avec Barbara Engelking, d'un guide de la ville inexistante. Pour lui, donc, cette mémoire de cet endroit après le ghetto, de cet endroit qui est vide, bien qu'il y a des maisons posées dessus, c'est quelque chose qui la travaille toujours. Le ghetto de Varsovie, c'est le plus grand des ghettos qui existaient sur le territoire polonais, où il y avait 300 ou 400, 500 ghettos. Il a été ouvert en 1940, et il a été liquidé en 43. Et au moment, début 42, le moment où il y a eu le plus de monde dans ce ghetto, c'est à peu près 450 000 personnes. Les conditions dans lesquelles les gens vivaient dans ces ghettos étaient extrêmement mauvaises. Il y avait à la fois la promiscuité, le manque d'hygiène, la faim et la maladie, le typhus qui a commencé à se développer. Dans ces quartiers, c'était le cas à Varsovie, il y avait des usines qui ont été constituées et qui faisaient travailler ces juifs à fabriquer des uniformes, fabriquer des armes, des choses pour l'armée, etc. Mais on ne savait pas trop pourquoi on était là, qu'est-ce que ça allait devenir ce ghetto. C'est ça qui est absolument incroyable dans cette histoire, c'est que traditionnellement, dans le long terme de l'histoire, puis le Moyen-Âge, les Allemands, ce sont ceux qui protègent les Juifs, qui les protègent des pogroms, des églises, des populations locales, qui sont d'un antisémitisme virulent et rabique. Et donc quand les Allemands disent « rassemblez-vous dans un ghetto, élisez un conseil, faites une police locale », et ça, on leur obéit. Parce que il y a ce pacte-là qui est séculaire entre la protection juive et l'autorité allemande. Et c'est ce qui fait que les populations juives d'Europe centrale et orientale ne vont littéralement pas comprendre ce qui se passe. Et par ailleurs, on ne peut pas imaginer une seconde l'intensité, la profondeur et la virulence de la volonté criminelle nazie. On ne peut pas le saisir. En juillet 42, il y a eu en quelques semaines plusieurs grandes rafles et 300 000 personnes ont été déportées à Treblinka et immédiatement assassinées à Treblinka. Et jusqu'en 42, fin 42, Il y avait des formes de manifestations, de protestations, mais la répression étant tellement violente, tellement radicale, qu'il était très difficile d'agir, de faire quelque chose. Et vous avez eu deux groupes qui se sont constitués et qui ont commencé à se poser la question de résister militairement. Et ils ont lancé une insurrection qui a eu lieu le 19 avril 1943. Ils étaient plusieurs centaines de combattants et ils se sont battus parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas mourir sans se battre. Mais c'était un geste politique, un geste d'honneur, un geste de résistance. L'important, c'était de s'insurger. Et c'est une lutte extrêmement héroïque. Et il y a eu à peu près quelques dizaines de combattants qui ont réussi à sortir, qui se sont enfuis par les canaux, parce qu'il y a beaucoup de canaux d'égout à Varsovie. Mais la plupart des combattants ont été tués, sauf quelques-uns. Ça a été la première insurrection, en fait, dans la Pologne occupée, contre les Allemands. Je m'appelle Georges Didier Huberman, je suis chercheur et j'écris. J'étais dans un grand travail d'interrogation sur qu'est-ce que c'est le désir de se soulever, pourquoi est-ce qu'on se soulève. Un cas qui m'est arrivé spontanément et évidemment à l'idée, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie. C'est une question terrible. Pourquoi est-ce qu'on se soulève? À quoi ça sert de se soulever si on est sûr qu'on va perdre, qu'on va mourir? Qu'est-ce qui nous soulève? Et ça, l'activité de l'historien chroniqueur que fut Ringelblum est essentielle. Emmanuel Ringelblum, c'était un historien. Il était l'un des créateurs de ce qu'on appelle maintenant Archive Ringelblum. Il a créé une organisation pendant la guerre qu'il a appelée Onek Shabbat, la joie du Shabbat. Et avec ses collaborateurs, des historiens, des écrivains, des écrivaines, des rabbins, il a réussi à accumuler beaucoup de documents, des œuvres d'art, mais aussi des emballages, des invitations, des affiches allemandes qu'ils arrachaient des murs, tout ce qui se pouvait pour montrer aux générations futures ce qui s'est passé dans les ghettos. C'était leur solution à eux pour vivre, continuer à vivre dans les ghettos, leur but, le but qu'ils se sont donné. Il est mort en 1944, probablement en mars ou en avril, on ne sait pas exactement quand. C'est difficile de dire où exactement aussi, mais probablement dans la ruine du ghetto. Ringelblum, d'abord il a décidé de rester. Beaucoup d'intellectuels, au moment où les nazis sont arrivés à Varsovie, ils ont essayé d'émigrer, ce qui est tout à fait compréhensible et légitime. Mais enfin, lui, il a décidé de rester. Deuxièmement, il a développé une activité d'entraide absolument inimaginable. Il y avait des dizaines de milliers de repas à faire pour les gens qui crevaient de faim, quoi. Et puis, cette activité de documentation, de réunir tous les documents, de toutes formes, des papiers de bonbons, des enveloppes de papiers de bonbons roses. C'est bouleversant. Il a gardé des papiers de bonbons pour dire, vous voyez, il y avait encore quelques bonbons au ghetto. Et puis, à côté de ça, il y a la photo d'un petit garçon qui mendie, qui crève de faim. Vous ne savez pas s'il pleure ou s'il rit sur la photo. À côté de ça, vous avez des menus des rares restaurants, les chansons des gens dans la rue, les billets désespérés jetés depuis les wagons à bestiaux, etc., etc., etc. C'est une... Je ne sais plus le nombre de feuillets, mais c'est considérable. 35 000 feuillets qui sont en fait deux tiers de la somme, puisque sur les trois caches, on n'en a retrouvé que deux. Il m'est interdit de regarder à la fenêtre, car la vermine juive, les taupes, devraient rester aveugles. nuit tombe pour tout effacer, égaliser. J'accours dans le noir à la fenêtre et je regarde. Vorace, je regarde. Je dérobe Varsovie éteinte, bruit et sifflement lointain, silhouette des maisons et des rues. Vorace, mes yeux pénètrent tels des lames la poitrine de la nuit. Le silence noir de Varsovie. Il y avait aussi beaucoup de littérature. Il y avait des journaux intimes. Il y avait, j'en profite pour en dire un mot, il y avait le poète du ghetto, dont j'ai publié les textes, qui s'appelle Władysław Szlengel, qui écrivait en polonais et pas en yiddish, et qui a fait des textes extrêmement forts, qui étaient lus dans le ghetto et appris par cœur par les gens dans le ghetto, et qui était aussi une façon de se tenir face à ce désastre à la fois physique, personnel, psychologique dans lequel étaient tous ces gens. Ce texte, il les a tous rassemblés et il les a donnés à Onek Chabak en disant, en mettant dessus sur un papier, ce que je lisais aux morts. Il l'a laissé pour le futur. Et cette entreprise de Regenblum et de ses amis est vraiment une sorte de mémoire matérielle du ghetto. C'est une expression de Habib Arbourg qui parle de l'histoire de la culture comme d'un trésor de souffrance. Magnifique, magnifique idée. Cette idée qu'on va créer une mémoire, c'est-à-dire peut-être un espoir, mais pour autrui. Puisque Ringelblum n'a pas survécu non plus. Lui, sa femme, son enfant, ils ont été assassinés, eux aussi. Cette idée que vous retrouvez chez Kafka, que vous retrouvez chez Walter Benjamin, qui est, il y a toujours de l'espoir, même quand c'est pas pour nous. Voilà. Donc tout ce qui reste, tout ce qu'on sait de cette histoire, c'est surtout grâce aux documents, grâce aux livres, grâce aux lettres, grâce à tout ce qui a été accumulé par les historiens qui travaillaient dans le ghetto. Et tout cela nous est parvenu grâce au travail d'une dizaine de personnes qui ont redécouvert ces archives dans les ruines. Avec l'invasion de l'URSS du 22 juin 1941, c'est la guerre de tous les paroxysmes. Au début, les Juifs sont tués en petits groupes. 1, 2, 3, 5, 10, etc. 6 semaines plus tard, ils sont tués par centaines. Dans les 18 semaines suivantes, ce sont 500 000 personnes qui sont tuées. Donc on a, si vous voulez, une espèce d'explosion des victimes. On massacre de plus en plus. Kamenets-Podolsk, à la fin de... en Ukraine... À la fin d'août 41, c'est 18 000 morts en 3 jours. Bon. Un mois plus tard, Babi Yar, à Kiev, c'est 33 000 morts en 2 jours. Voilà. Le massacre est décidé le 27 septembre 1941. 28 et le 29, il est préparé. Le 29 au matin, les habitants juifs de Kiev ont ordre de se retrouver au coin d'une certaine rue, sous peine de mort. Et commence alors l'envoi de cette communauté dans un ravin qui est situé en périphérie de la ville, le ravin de la grand-mère, Babi Yar. Là, ils sont réceptionné par des équipes de tueurs, un qui couche la victime, l'autre qui la bat d'une balle de fusil dans la tête. Et c'est comme ça que sont tués en deux jours 33 771 personnes à Bavière. Wszyscy Niemcy, którzy tego dnia zajmowali się rozstrzeliwaniem i zabijaniem, byli pijani. Ce jour-là, tous les Allemands qui étaient chargés de la fusillade, de la tuerie étaient ivres. Później, kiedy się już wygrzebałem, widziałem na tym wzgórzu pełno butelek po winie. Plus tard, quand j'ai réussi à m'enfuir, j'ai aperçu en haut de la butte des tas de bouteilles vides. Oni w tym winiu zabili prawie 5000 ludzi. Ce jour-là, les Allemands ont tué presque 5000 personnes. W tym dole było sporo ludzi, którzy jeszcze żyli. Słychać było taki pomruk, taki... Dans la fosse, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore vivants. Stękanina, chór. On entendait comme un murmure, un chant, un gémissement, une chorale. Leżałem twarzą do ziemi na trupach i na mnie też leżeli. J'étais étendu sur les cadavres. Le visage au sol, écrasé par d'autres corps. Czekałem na chwilę, kiedy mi wpakują kulę do głowy, tak już indywidualnie. J'attendais mon tour, cet instant où ils allaient m'envoyer une balle dans la tête. No i tak leżę, muszę udawać trupa. I tylko bezczelna mucha wiedziała, że nie jestem trupem. Je suis resté longtemps couché. Po plecy. En me faisant passer pour un cadavre. Cały czas leżałem z zamkniętymi oczami. I tak do wieczora. Wieczorem. Seule une mouche insolente qui me marchait sur le dos savait que je n'étais pas mort. Uciekłem spod trupów. J'ai gardé tout le temps les yeux fermés. Jusqu'au soir. J'ai réussi à m'extirper des cadavres et je me suis enfui. Jonas Stern. Nazywam się Jan Trzupek. Je m'appelle Jan Trzupek. Na studia w 1980 roku. Je suis arrivé à Cracovie en 1980. Tam poznałem Jonasa Sterna, jedną z najważniejszych postaci. C'est là que j'ai fait la rencontre de Jonas Stern. Nie tylko sztuki, ale i w dziejach miasta. C'était un très grand artiste et l'une des figures les plus importantes de la ville. Jonas robi takie montaże. Assemblage. Sam nazywa to tylko kolażami. Jonas faisait des montages, des collages, des assemblages à partir de peaux d'anguilles et d'arêtes de poissons et créer des tableaux abstraits. To, co było najistotniejsze w jego biografii, to, co stało się jego legendą, to... Mais l'élément le plus marquant de sa biographie, celui qui a d'ailleurs contribué à sa légende, jego niezwykle tragiczny, dramatyczny los, c'est son destin tragique pendant la Seconde Guerre mondiale. W czasie II wojny światowej. Więc zostaje wyprowadzony z masy. Après avoir été emmené avec des milliers d'autres personnes, odbywa się egzekucja. Jonas a réchappé à un crime de masse. Egzekucja, rozstrzeliwanie. À une exécution par balle. Oczywiście pamięć o Jonaszu jest wpisana w kulturę tego miasta i w pamięć ludzi. Le souvenir de Jonas est gravé dans la culture de cette ville et dans la mémoire des gens. Ilekroć myślę o Jonaszu, a myślę o nim bardzo często. Je pense souvent à lui. W miejscu, w którym pracuję, w domu mam zawieszony portrecik Jonasza fotograficzny. J'ai une photo de lui accrochée chez moi, là où je travaille. Myślę o jego oczach, o jego wyjątkowej urodzie. Je pense souvent à ses yeux, à sa beauté unique. Pięknie jako osobę. Au bel homme qu'il était et à la beauté de sa personne. Jak Jonasz. Il y a très peu de figures comme celle de Jonas. Thank you. voilà les niveaux de violence absolument inouïs qui se déchaînent. Mais ces franchissements de seuil sont quantitatifs, oui, mais aussi qualitatifs. Parce que d'abord, on tue les hommes en âge de porter les armes, mais rapidement, en quelques semaines, on se met à tuer les femmes, les enfants, les vieillards. Le massacre tourne au génocide en quelques semaines, entre fin juin 41 et fin juillet 41. Et de fait, la plus grande concentration de population juive dans l'Empire nazi, c'est en Pologne, et ça va être le lieu, à partir du printemps 1942, de ce qu'on appelle l'action Reinhardt. On décide de créer des centres de mise à mort, qui ne sont pas des camps, hein, parce que on n'y campe pas dans ces lieux, on n'y reste pas. On y vient et on y meurt en une heure et demie. Voilà, un camp de concentration, on y campe. Oui, on y reste, on y survit un peu. Un centre de mise à mort, ce n'est pas un camp. C'est un lieu de destruction, c'est un lieu d'éradication. Et vous avez le début des convois ininterrompus vers les camps de Belzec, Sobibor, Treblinka. Ces trains qui passaient avec un bruit très spécial, qui est celui de ces trains qui ne roulaient pas très vite. Et je me souviens d'avoir travaillé sur les mémoires d'un médecin qui écoutait les trains. Et il disait que, tiens, celui-ci, il va à Belzec. Pour moi, c'est tous ces lieux qui parlent. Et à la fois, ils parlent parce qu'on les écoute. C'est aussi parce qu'on est... On porte tous le deuil de ces sociétés-là qu'on entend, qu'on sent tout ça. On peut imaginer que l'Europe de 1941 et 1945, c'est une espèce de baignoire. Et Birkenau, c'est la bombe. Et ça, c'est la sensation physique qu'on construit nous-mêmes, hein. La sensation physique d'être devant la bombe, c'est une sensation unique. On entre dans un lieu de désertification déjà physique, hein, puisque l'essentiel des baraques a été détruit, hein, en bois. Il ne reste que les cheminées, comme des témoins, comme des vigies, comme ceux-là qui parsèment l'espace, qui le scandent. Et on a l'impression d'être dans un lieu métaphysique. Le lieu d'un crime métaphysique, en l'occurrence. Puisque c'est le lieu de l'annihilation. Et on a des traces physiques, des installations en dur, contrairement à Sobibor, à Treblinka par exemple, qui ont été édifiées par la Bauleitung de la SS pour gazer et pour vaporiser, hein, les êtres qui arrivaient là, les vaporiser jusqu'au bout, puisqu'il y avait des fours pour détruire aussi les papiers d'identité, hein, jusqu'à l'identité même des personnes qui devaient disparaître. Un lieu de crimes métaphysiques, de projets d'annihilation, de réduction au néant. Piotr Tsivinski, je suis né en 72 à Varsovie, en Pologne, 300 km d'Auschwitz. Depuis une quinzaine d'années, je dirige ce lieu de mémoire. Birkenau, oui, c'est un endroit de destruction, une destruction physique de ceux qui sont arrivés ici, qui n'ont même pas été enregistrés au camp. Il faut bien se rendre compte que à peu près 80 ou 85% de juifs acheminés ici de toute l'Europe ne sont jamais devenus prisonniers d'Auschwitz. Je veux dire, leur vie à Auschwitz, c'était une histoire d'un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, le temps de passer de la rampe jusqu'aux chambres à gaz. Mais ensuite, c'est aussi une destruction de l'être humain qui est entré dans le camp. La déshumanisation était une des caractéristiques des plus frappantes des camps de concentration. Depuis le nom et le prénom qui lui étaient pris, jusqu'à sa place, jusqu'à l'espace, jusqu'au temps, jusqu'aux caractéristiques les plus importantes de l'humanité même, qui ont toutes été volées, je veux dire, à l'instant même où il est entré dans le camp. Ils lui ont été prises avant même qu'il s'en rende compte. Ils ont mis en général plusieurs jours à pouvoir redéfinir en fait leur place, leur identité, leur caractère même, je veux dire, d'individu à l'intérieur du camp. L'humain enfermé dans un camp de concentration n'avait pas le droit de se sentir humain. Je m'appelle Georges Arthur Goldschmidt. J'aurais dû moi aussi être gazé. Hein. Hitler a réussi ce qu'il voulait, mettre fin à l'humanité. On n'a pas exterminé les Juifs, on a exterminé les êtres humains. Le projet hitlérien, c'était de mettre un point final à l'humanité, de transformer l'humanité en corps. La Shoah, Auschwitz, c'est l'extermination de l'humanité comme telle. Il faut se rendre compte de ce que c'est que... de ce que c'est que les grandes chambres à gaz à cyclon B, c'est 2000 personnes qu'on tue en 2 minutes. 2 minutes. Oh. C'est, vous voyez, c'est, ça dépasse complètement l'imagination. Eh bien, c'est, là, elle est là, la spécificité. Chambre à gaz à Birgitte, soit Sobibor, eh ben, il faut une demi-heure, trois quarts d'heure pour tuer tous ces malheureux. Là, en 2 minutes, il n'y a plus personne qui a connaissance. Bien sûr, l'avenir ne devait même pas savoir ce qui existait dans le passé. La destruction des traces du meurtre est quelque chose d'assez frappant. Et ils ont en fait réussi à cacher pratiquement toutes les traces à Kunhof, à Treblinka, à Sobibor, à Belzec, mais pas à Auschwitz-Birkenau, parce que c'était un camp qui était à la fois un centre de destruction et un camp de concentration. Donc il y avait beaucoup, beaucoup trop de témoins qui l'ont vu de leurs propres yeux. Dans la seconde moitié de 1944, 60 000 prisonniers sont évacués vers d'autres camps de concentration. 60 000 personnes qui ont vu la fumée sortir des crématoires. Puis ensuite, en janvier, des dizaines de milliers sont aussi évacués à pied, puis ensuite par train vers d'autres camps. En fait, la tentative de créer un silence total sur ce meurtre échoue complètement. Même si la plupart ne pensaient pas survivre, ceux qui s'évadent emportent des preuves ou des messages écrits. Il y a des preuves qui sont cachées dans des baraques ou dans la terre. Et donc le silence devient impossible. Les nazis qui voulaient tout faire disparaître, leurs victimes et les traces de ce qu'ils avaient fait à leurs victimes, n'ont pas pu empêcher que la terre parle, puisque à côté de ce qui reste des crématoria, les crémas, il y a de gigantesques champs d'épandage, qui sont des semblables à des pâturages aujourd'hui. Et lorsque vous vous promenez là, vous vous enfoncez un peu dans la terre et vous voyez que la terre est parsemée d'objets blancs. Alors vous croyez que ce sont des cailloux, des graviers, et puis vous penchez, et c'est pas des minéraux, c'est pas des pierres, ce sont des ossements humains. La terre dégorge littéralement de restes humains. La terre rend ce que on a voulu lui faire ingurgiter, c'est-à-dire sur des surfaces au fond limitées, les restes de centaines de milliers d'êtres humains qui d'abord avaient été gazés, ensuite brûlés, et dont les ossements avaient ensuite été broyés. Wprawdzie jakimś cudem przeżyłem, ale i tak się nie uratowałem. J'ai survécu par miracle, mais je n'ai pas réussi à me sauver. Posługuję się formami natury. Je me sers de formes de la nature. Kości. Des os. To miliony lat ewolucji. Ce sont des milliers d'années d'évolution. W nich jest zawarty wymiar czasu. Où s'inscrit toute la dimension du temps. Wymiar czasu przez to przemawia, to jest jedna sprawa. Toutes ces formes qui étaient une vie auparavant, je les sauve de la destruction. A druga to jest to, że ja ocalam wszystkie te formy, które kiedyś były życiem od zniszczenia. Et je prolonge leur existence sous forme de tableau. W formie obrazu. Pejzaż. les paysages. D'où? La fosse. Los węgorzy. Le destin des anguilles. Milczenie rodzajów. Le silence des espèces. Mały biały domek, me pamięci twi. Mały biały domek, ciągle mi się śni. Okna tego domku cudnie w słońcu lśnią, jakby się oczy przechodziły łzą. Les retours du passé. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Avec Johann Chapoutot, historien du nazisme. Julia Chimiak, guide au musée Poli de Varsovie. Piotr Tsiwinski, historien, directeur du musée de Birkenau. Dariusz Gajewski, réalisateur et scénariste. Roman Gonczarczuk, comédien. Georges-Arthur Goldschmidt, écrivain, traducteur et témoin. Georges-Didier Huberman, historien d'art et écrivain. Christian Ingrao, historien. Jean-Yves Potel, spécialiste de l'Europe centrale et écrivain. Jan Czupek, historien d'art. Et Agnieszka Zgieb, traductrice. Voix, Andrea Schiffer, Igor Menjinski, Alexandra Yermak et Arben Bayraktaray. Traduction, Agnieszka Zgieb, Christine Le Cerf. Documentation, Maria Contreras. Prise de son, Benjamin Thuot et Julien Girard. Mixage, Benjamin Thuot. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour nous écouter en marchant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, la mémoire en héritage. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.